Bonjour à toutes et à tous, Serge en votre compagnie pour une heure de coup de cœur. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cette période n'est pas si facile à vivre que cela. On a eu peur de mourir du Covid, on a eu peur de manquer d'eau, on a eu peur de manquer de carburant. Maintenant, on a peur de manquer d'électricité. Il faut tenir le coup et Fadjet est là notamment pour vous aider à passer tous ces caps. J'espère donc que vous allez apprécier ce dernier coup de cœur classique, j'allais dire, de cette année 2022, puisque la semaine prochaine, ce sera déjà l'émission spéciale Noël. Ensuite, pour danser une heure avec de la danse pour le nouvel an, bien sûr. Et puis, on recommencera joyeusement en 2023. Alors, aujourd'hui, de qui s'agit-il? Écoutez bien. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. En fait, ce n'est pas une vraie surprise puisque je vous avais annoncé ça la semaine dernière à la fin de l'émission précédente. Il s'agit de Claude Nougaro. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noirs et blancs sont ressemblants comme deux gouttes. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Alors, ma mission pendant une heure, c'est de vous faire découvrir, pourquoi pas, certains détails de la carrière ou de la vie de Claude Nougaro. Et le plus important, je pense, c'est qu'il soit l'invité privilégié de nos platines pendant l'heure à venir. Alors, Claude Nougaro, c'est le fils de Pierre Nougaro, chanteur d'opéra,

Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Durant les années 70, Claude Nougaro collabore avec le compositeur-arrangeur Jean-Claude Vanier sur « Dansez-moi ». Nougaro quitte alors Philips pour Barclay en 75. Le titre « Tu verras » apparaît, adaptation française de « O que será » de Chico Buarque de Holanda, avec l'accent. Et ce titre, notamment à cette époque, compte parmi ses plus grands succès de l'époque. En 1984, Claude Nougaro consacre une chanson kiné sur l'album Pacifique à sa quatrième époque épouse qui s'appelle Hélène. En 85, après Bleu Blanc Blues, un album jugé décevant au niveau des résultats, Barclay ne renouvelle pas son contrat. Donc là, coup de tonnerre, la suite dans quelques minutes. Après notre version longue, c'est un nouveau rendez-vous que je vous fixe lors de chaque coup de cœur. Aujourd'hui, Jane Manson, les larmes aux yeux, c'est monsieur Philippe Christian qui réalise ces subtils montages. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Moi, ça va. Tu as les larmes aux yeux et j'ai les larmes aux yeux. J'ai mal de te revoir, de te voir malheureux. Ça fait longtemps. T'as pas changé. Ouais. Heureuse. Je vis ma solitude et d'amour en amour. Je te cherche toujours et je me brise un peu le cœur. Toi, dis à moi, fais un geste et moi je te suivrai. Slow de Jane Manson, qui est sorti en 1976, revu en version longue par Philippe Christian. On revient à notre coup de cœur, donc Claude Nougaro, coup de tonnerre en 1985, puisque son contrat chez Barclay n'est pas renouvelé. Et en 86, il vend sa maison de Paris carrément et part pour New York en quête d'inspiration. Il écrit et enregistre sur place l'album Nouga York sous la direction de Philippe Sess, musicien réputé là-bas, et avec son vieux complice Mick Lanaro comme producteur exécutif. En 1987, Claude Nougaro, avec la chanson titre « Nouga York », obtient l'un de ses plus grands hits. Ce succès retentissant relance durablement sa carrière et l'opus aux sonorités rock est un succès public et critique récompensé en 1988 par les Victoires de la musique du meilleur album et du meilleur artiste interprète au masculin. En 1989, suivant le même filon, Nougaro récidive avec l'album Pacifique. On va écouter cette chanson dont on vient de parler. Et puis, quelqu'un qui a chanté Nougaro, qui nous a hélas quitté, ce sera Morane dans Rime. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou rose. avec ta bouche, comme les ponts de Paris avec bâton mouche, et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Et ma triste, j'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux, rimons, rimons si tu veux, même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux, rimons, rimons si tu veux, même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou rose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche, comme les ponts de Paris avec bâton mouche, et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux, rimons, rimons si tu veux, même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. Rimons, rimons, belle dame, rimons, rimons jusqu'à l'âme, et que ma poésie rime à ta peau aussi. Rimons, rimons, belle dame, rimons, rimons jusqu'à l'âme, et que ma poésie rime à ta peau aussi. Avec les albums Chansong en 1993 et surtout L'Enfant Phare en 1997, Claude Nougaro revient à des sonorités qui sont plus familières, notamment jazz et rythmes latinos. Sa santé, hélas, se dégrade à partir de 1995, année où en avril, il subit une opération du cœur. À cette époque, Claude Nougaro fait part de son intention d'écrire un opéra, mais ce projet n'aboutira jamais. En 2000, il sort encore l'album Embarquement immédiat, qui sera son dernier album studio abouti. En fait, de 1998 à 2004, il se consacre davantage à des concerts et à des festivals. En 2002, c'est à noter, il a tourné dans toute la France avec Les Fables de Ma Fontaine, un spectacle où, tel un comédien, il déclame plusieurs de ses textes dépouillés de leurs habillages musicaux. La seule chanson, chanson pour Marilyn, étant le seul titre chanté a cappella du programme. Ce sera son dernier spectacle. On va le retrouver dans un de ses standards, le jazz et la java. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y'a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue, elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béard en solo de batterie, V'là la Java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et Java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la Java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. En m'asseyant dans mon fauteuil, je remarquais en un clin d'œil que ma voisine était charmante, mais elle était accompagnée d'un mélomane renfrogné à la barbiche menaçante. Alma Viva et Figaro s'entretenaient en belle tantôt d'une enfant appelée Rosie, emprisonnée dans la maison d'un épouvantable barbon comme celui, comme celui de ma voisine. Et c'est ainsi qu'au barbier de Séville je pris un plaisir extrême que je n'eusse point, que je n'eusse point trouvé dans la vie de bohème. Que je n'eusse point, que je n'eusse point trouvé dans la vie de bohème. C'est d'abord pression légère du genou qui se resserre, et comme la belle ne fuit pas ce contact, je prendrai, prendrai sa main au deuxième acte. Attention, car je vois la barbiche pointer, pointer sournoisement. Piano, piano, piano, piano, puisque ce vieillard me suspecte, imitons le maintien du monsieur qui se délecte. Imitons ton, ton, ton, ton, le maintien, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, du monsieur qui se délecte. En m'agitant dans mon fauteuil, je commençais à faire mon deuil de ma ravissante voisine, lorsque soudain un ronflement vint troubler le recueillement pendant le grand air de Rosine. Le barbichou s'est endormi aux doux accents de Rossini, et par une rencontre heureuse, à ce moment-là le ténor, en faisant trembler les décors, presse Rosine sur sa poitrine mélodieuse. Et c'est ainsi qu'au barbier de Séville je pris un plaisir extrême que je n'eusse point, que je n'eusse point trouvé dans la vie de bohème. Que je n'eusse point, que je n'eusse point trouvé dans la vie de bohème. Ce Figaro, depuis une heure, on y dit le lieu de sa demeure. Numéro 20, belle façade, la la la la, deuxième arcade. Oui, mais l'adresse de ce barbier offre pour moi peu d'intérêt. J'aimerais mieux savoir la vôtre pendant que dort ce bon apôtre. Déjà mon âme d'amour sans flamme, écrivez-la sur le programme. Douce espérance, elle va tromper la surveillance de son gardien sans vigilance. Oh, cher Figaro, déjà mon âme d'amour sans flamme. Déjà mon âme d'amour sans flamme. Allegro et prestissimo, elle m'a donné son numéro de téléphone. Vous l'avez certainement reconnu, c'était Marcel Amont, Le Barbier de Séville, une chanson que l'on doit à Claude Nougaro. Alors, dernière partie de cette émission qui lui est consacrée en 2003 et 2004, alors qu'il est déjà gravement touché par la maladie, il prépare un nouvel album pour le label Jazz Blue Note Records, réalisé comme le précédent par Yvan Cassard. Hélas, emporté par le cancer en mars, l'artiste ne termine pas son enregistrement et l'album qui s'appelle La Note Bleue sort à titre posthume le 30 novembre 2004. On va écouter dans quelques instants une chanson extraite de cet album qui s'appelle Bonheur. En ce qui concerne sa vie familiale, eh bien, en 1954, Claude Nougaro rencontre Sylvie, qui est hôtesse au Lapin Agile à Montmartre, où il vient d'être engagé. Ils ont une fille, Cécile, en 1962, à laquelle il dédie la chanson « Cécile, ma fille ». On en a parlé tout à l'heure et on va l'écouter en live juste à la fin de cette émission. Et Cécile était aussi le prénom de sa grand-mère paternelle. Avec Sylvie, il divorce en 1965. En 1967, il rencontre Odette, d'origine arménienne. Ils ont deux filles, Fanny en 69 et Théa en 73. Ils se séparent peu après la naissance de second enfant, mais Claude est resté proche de ses filles qui n'ont que la rue à traverser pour aller chez lui à l'époque. Il rencontre ensuite Marcia en 1975. Elle est divorcée du guitariste Baden Powell. Il lui dédie la chanson Marcia Martienne et ils ont un fils, Pablo, né en 1977. Ils divorceront en 1984. Enfin, cette même année, il rencontre Hélène, sa quatrième et dernière épouse, sur l'île de la Réunion. La femme de ma mort, disait-il, se plaisait-il à dire d'ailleurs, qui est kinésithérapeute toulousaine. Il se marie en 1994 et elle l'accompagnera jusqu'à son décès. Extrait de son dernier album, Bonheur. Souffrir, c'est contradictoire. Bonheur, tu nous fais souffrir, la peur que tu pars. Tu appartiens à ces choses volatiles, comme les bouquets de roses. Tu te fanes vite, c'est à croire qu'on ne te mérite pas. L'homme n'est pas fait pour toi. Bonheur, tu aimes repartir à peine à la mare. Je comprends qu'on préfère te fuir comme chantait Gainsbourg, comme l'odeur de la mer nourrisson, comme l'odeur de la mer moussaillon. On te respire comme ces choses disparues, parfum des paradis perdu. Quelques mots en conclusion de ce coup de cœur. Que peut-on dire ? Ben, que Claude Nougaro était un chanteur et poète français de variété et de jazz. Il nous a quittés le 4 mars 2004 à Paris. Il jouait des mots avec la langue française et il s'est appliqué tout au long de sa carrière dans un insolite mariage des genres à unir chansons françaises et rythmes. Parallèlement à ses activités de chanteur, sachez que Claude Nougaro s'est adonné à la peinture et au dessin. On va le retrouver pour clôturer cette émission à l'Olympia en live, Cécile Mathilde. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit: allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. Les yeux dans les yeux, quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à fin soupir, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Il est déjà arrivé le temps de se quitter. Je suis un petit peu triste, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Noël. Alors des chansons de Noël, bien sûr, et puis des citations de Noël. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous à 17h jeudi prochain. La semaine d'après, ce sera pour danser pour la nouvelle année. Et puis les coups de cœur reprendront en janvier, juste après le premier classement de nos hits coups de cœur. Le premier jeudi du mois de janvier 2023. Donc plein de rendez-vous en perspective en ce qui nous concerne. Portez-vous bien, préparez bien vos fêtes de Noël. Et puis, bonne santé à tous. Bye bye !